À l'occasion du 69e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, les journaux népalais Noya Prakash et Arfan ont présenté in extenso les œuvres classiques du président Kim Il-sung, réponse aux questions du président de l'Association des journalistes du Népal et réponse aux questions du groupe de journalistes de Washington Times avec son portrait en sourire et sa photo. Par ailleurs, le Forum allemand anti-impérialiste a inséré dans leur homepage internet le texte intégral de l'œuvre classique du président Kim Il-sung, thèse sur l'enseignement socialiste, à l'occasion du 40e anniversaire de sa publication.